Exercice 8, page 38. Combien deviez-vous payer Rose Véron pour ce film ? C'est confidentiel. Et l'argent était géré par son manager, Pierre Bertin ? Tout à fait. Vous pouvez me le décrire en quelques mots ? Intelligent, cultivé, un peu râleur, mais travailleur.